C'est fou ça. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. C'était du hip-hop. Wiki, wiki, wiki. Je pense que je vais faire des gaffes aujourd'hui. Joanne Blais vient de parler de la marche mondiale des femmes. Et on retourne en arrière avec les boulamites d'Alex Delage à Assemblage requis. Les bols, c'est facile, ils se replacent, mais les verres, ça commence à me coûter cher de verres. Ah non, encore, c'est un par jour, comme ça. Bonjour, bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 13 octobre 2010. Oui, c'est François-Olivier Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. Bonjour les requins. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Ben sinon, ça va pas bien pour vous autres. Hein? Non, non, c'est ça. C'est comme évident, comme remarque. Hein? Si ça va pas bien, c'est que ça va mal. C'est ça. C'est ça. Aujourd'hui à l'émission, on a un plan chargé comme toujours, mais ça va être palpitant pour vous. Je dirais que vous allez avoir des palpitations au cœur. Palpitant pour vous et excitant pour nous. Ah oh, ben Colin, toi. Hein? Mm-hmm. Hein, nouveau slogan, on pense à ça. L'émission excitante. Une émission excitante avec des animateurs palpitants. OK. On a Alex Delage aujourd'hui avec sa chronique sur les boulamites. Donc, il ressort des vieilles chansons qui lui rappellent les souvenirs de son enfance et de son adolescence. Des vieilles tunes. Dans mon temps, cette tune-là, c'était bon. Des One to Wonder, pas mal, par exemple. Ouais. Pas mal. Oui. J'ai hâte. C'était intéressant la semaine dernière. Le deux semaines. Ah oui, c'est vrai. C'est les deux lundis. Oui, oui, oui, oui. D'habitude, c'est le lundi. Oui. Là, c'est pour ça que là, les gens sont tous mêlés. Mais que ça sonne le mercredi, je vais m'entendre ça de ma vie. Ben, j'écoute juste Assemblage requis le mercredi. Oui. Parce que vous devriez avoir honte. Toi, vous devriez avoir honte. Fait que, dit-il. Parce que, en fait, sa chronique est intercalée avec Mme Audrey Tremblay qui vient de présenter le journal Zone Campus une fois ou deux semaines, en fait, quand il sort. Et voilà, et voilà. On sait aussi quelqu'un de la Marche mondiale des femmes. Oui, ce quelqu'un s'appelle Joanne Blais, qui est coordonnatrice de la table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie. L'abréviation est le TCMFM. Take care, TCB, FM. Ça finit à FM. Ah, wow. 89.1 FM. Hey, c'est prédestiné pour nous, ça? Oui, oui, oui. Et en fait, elle va venir nous présenter la Marche mondiale des femmes, les revendications, ses actions aussi en Mauricie. Donc, parfait. Restez avec nous. Ça va être aux alentours de 8 heures. Excellent, ça. On va commencer l'émission en musique avec un de tes choix. Un de mes choix, qui sera peut-être un de tes choix un jour. Ouh! Espérons-le. Color Revolt, un groupe que j'avais connu qui faisait la première partie de Brand New quand j'avais été le voir, ça doit faire peut-être 2 ans. Très bonne pièce, quand même relativement calme. Écoute, Mattresses Underwater. Underwater. Assez fou. Assez fou. 89 ans. Très bon cette pièce. Très bon. Je pourrais pas dire autant que Final Flash, mais. Hey, Final Flash aujourd'hui, ça te tente ça? Tantôt, ok. Ouais? Ouais. J'ai le droit? Oui, oui, t'as le droit. Une fois par semaine. Tu me gardes, toi. Mais, ouais. Allez, je te laisse. Places, some of us can face it. And even though we see it, we just swear God's sleeping. Sleeping. When we see it, we don't believe it. We got our faces made for smiling, but we are weeping. We got ash in our pockets, dirt in the earth. Another 40 years for you and yours to learn. You say, say how smart you are and what you mean to me. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Ça, ça te commence une journée de la bonne façon, je trouve. L'ange et le mort de Mille Monarques à Assemblage requis. L'émission du matin en pièces détachées avec F.O. et Mathieu. Oui. Hey, très bonne pièce, Mille Monarques. Oui. J'ai aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. C'est un bon point. Oui. J'approuve, je seconde et je sous-signe et je persiste. Tu persistes. Persister et signer, ça veut dire quoi, ça? Persister et signer, ça? Oui. Hey, Mathieu, écoute, je te parle du plus grand livre du monde. OK. Qui a été vendu à combien, tu penses? 35 $. Ben non. C'est le max que je paierais pour un livre. 35$, tabarouette. C'est beau ton insouciance, Mathieu. Thank you, thank you. Thank you, thank you. L'Atlas ouvert mesure, OK, 1,8 mètre de haut sur 2,75 mètres de large. OK. Donc, c'est un immense livre. Okay. C'est le plus grand livre du monde et qui a été vendu 100 000$. Non. Je te dis. C'est ben trop cher. Oui, c'est un auditeur. Un éditeur. Éditeur, merci. Une maison d'édition. Oui. Australien qui a présenté mercredi en Atlas l'Atlas gigantesque. Qui est le plus grand volume jamais imprimé dans un salon du livre de Francfort. Y a-tu des images? Y a-tu des à l'intérieur du volume? Là, parce que sinon, oui. C'est beaucoup de texte, ça, oui, oui, c'est ça. En fait, sur l'image qu'on peut voir, là, on l'a pas. Par exemple, on pourrait mettre tel article sur Assemblage requis. Tout à fait. Ou les gens qui ont une radio 3D aussi. Une radio 3D? Ça s'en vient, je suis pas mal sûr. Une radio 3D. Ah, sûrement. J'aimerais ça. Ouais. Hein? Hein? Vous pourriez nous voir. Et ça vous donnera encore moins le goût de l'écouter que le contenu. Ouais, non, non, c'est ça. Mais écoutez, il y a de bonheur, tu sais. Ouais, c'est ça. Faut pas que les gens s'attendent à ce qu'on soit lavé et habillé. Ouais, c'est ça, on fait ça après l'émission. On déjeune, en studio, on se réveille, on prend notre biberon. On change ma couche. Hey, le monsieur, en fait, en a déjà. L'éditeur, excuse-moi. On a déjà vendu 2 exemplaires aux Émirats Arabes Unis. Chaque livre est imprimé à la commande et sa fabrication demande 1 mois de travail. What? Oui, 1 mois de travail pour seulement un livre. Aïe, aïe. Pour tourner les pages de son livre, ouais. Ça prend nécessairement... Une grue. Non, mais un présentoir spécial. Et puis, on a besoin de ses 2 mains pour ne pas abîmer les pages, en fait, là, pour ben pas oui. Les déchirer. Et puis, la couverture peut à peine être soulevée par une personne seule. Donc, wow. C'est très pesant, c'est très gros. C'est assez impressionnant. Donc, allez voir ça, là. Moi, oui. On va mettre l'article sur assemblagerequis.com. Oui, oui, oui, oui, moi, oui. Ça me donne envie d'un gros, gros iPad pour lire ce gros, gros livre-là. Non, mais ça que... Tu vois le monsieur, là, puis... Non, allez voir ça sur Assemblage Requis. Mathieu, je t'envoie le lien. D'accord. Send me that. Send me that. Right now. Vous êtes toujours à l'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Ces matériaux de qualité-là sont plus tard dans l'émission, après les 8 heures, je dirais. On va parler avec Joanne Blais de la Marche mondiale des femmes qui a lieu, entre autres, à Trois-Rivières et dans d'autres endroits du Québec et ailleurs. Hein, François? Oui. Corrige-moi à la place de m'imiter... J'aime ça faire ça. Oui, je sais. Ben, ça a l'air à ça, parce qu'il mimique mes paroles pendant que je l'ai dit. Oui, est-ce que ça te déstabilise, mon ami? À peine. À peine, bon, parle-moi de ça. À peine. It's professional. It's professional. Les hommes. Bon. Qu'est-ce qu'on a aussi aujourd'hui? On a Alex Delage plus tard avec sa chronique sur les boulamites. Et on a aussi, ce qui s'en vient le plus près de nous, là, dans le présent. Oh, là. Non, non. Oh oui, tu peux revenir? Oui. Comme c'est... hier soir. c'est un fait qui s'en vient dans quelques minutes. À peine. Oui, c'était un jeu de mots incroyable. C'était un mot. Mathieu Plante en HD. Non. Non, mais ça vaudrait la peine, non. Set the Whale. Set the Whale. Avec Camilo the Magician. Ça, c'est canadien, ça. Oui, c'est canadien, ça. C'est excellent, en plus, ça va. Sur C'est fou. 89 FM. Come here, love, that's for you. Come in, be my assistant, be my ride. C'est fou, ça. À Mexico. 89.1. À Mexico. Sur le net, au cfou.ca. À Mexico et Pébos. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale. Vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées avec F.O. et Mathieu. C'est Assemblage requis jusqu'à 9h à CFOU. JP d'Alpé avec mauvaise track. Je suis mauvais chanteur. Ben, pas si pire. Mauvais chanteur. JP d'Alpé qui avait fait la première partie, d'ailleurs, de Vincent Vadière. Ah, ouais. Oui, oui, oui. Quand ça ou ça, quand ça, quelle année, quel jour? L'année passée, ça devait être un vendredi, j'imagine. Ça s'est passé au niveau de la salle du cégep de Trois. C'est fantastique, ça. Fantastique. T'as même pas prononcé le T. C'est fantastique. Fantastique. C'est la langue qui prononce en frappant les dents. Maintenant, parlons de choses utiles à savoir, vraiment. T'sais, moi, je trouve que c'est quelque très chose que vous utile. Devez savoir. Ben, sac. Voici, c'est un fait. Oh oui, vous le savez, depuis si longtemps, vous aimez ça, cette chronique-là. Hein, j'en entends moi, des commentaires, au moins, j'en ai au moins eu. J'en ai au moins eu. Sûrement quelque part. Dans les toilettes. C'est ça. Savais-tu, tu connais Glee, premièrement? Glee, l'émission de télé. Oui, comédie musicale, est-ce que je me trompe? Genre, exactement, les enfants qui chantent. Moi, j'aime bien. Mais l'actrice qui joue Mercedes Jones dans l'émission Glee a été rejetée par American Idol. Savais-tu ça? Parce qu'elle a participé à American Idol. C'est Amber Riley qui avait auditionné. Elle a été refusée par les producteurs de l'émission. Selon un des juges d'American Idol, Reddy Jackson, elle s'est même pas rendue jusqu'à l'audition devant les juges. Donc, c'est comme la pré-audition. Okay. Elle est dans Glee, puis elle est bonne. Tout le monde trippe. Malgré qu'elle ait perdu à Idol, Riley donc, a eu une carrière remplie de succès. Elle est donc dans Glee à la télé sur Fox, donc le même réseau qui diffuse American Idol, ce qui est assez ironique. Et elle a eu l'opportunité de chanter à la Maison-Blanche. Voilà. Wow! Belle carrière. Tout à fait. Tu connais Justin Bieber? Non, mais oui, oui, mais non. Mais tu connais sûrement pas le Justin Bieber dont je parle. C'est un homme de 35 ans de Jacksonville en Floride. Pas nécessairement le même gars. Il a été banni du populaire site Facebook, hein, sans aucun avertissement. Après 6 mois sur le site web, on croyait, donc Facebook croyait qu'il utilisait un faux nom. Le nom de Justin Bieber, évidemment. Il a été aussi banni de Ping, qui est le site de musique de iTunes. Et le pauvre gars reçoit genre 10 lettres de fans par jour. Tellement que les gens pensent que c'est lui. Ils cherchent son adresse, puis ils tombent sur ce gars-là de Jacksonville en Floride, puis ils envoient des lettres par la poste. Ouais. Ça se peut-tu? Mais là, ils ont-tu redonné l'histoire à Dispo? Non, c'est ça. À son compte. On dit qu'il a été banni brièvement de Ping. On ne parle pas de Facebook. Okay. Brièvement, il doit être revenu. Sur Ping, oui. Donc, continuons avec nos faits super intéressants. Savais-tu que la mère de Buzz Aldrin, qui est le deuxième homme à avoir marché sur la Lune? Oui. Deuxième. Son nom de jeune fille était Moon. Ah oh, ouais? À la Madame, c'est le fun, hein? Il mentionne ça et plein d'autres choses dans une entrevue au New York Times. Un autre fait sur Aldrin, Buzz est maintenant son vrai nom légalement. Il est né Edwin Eugene Aldrin Jr., mais son surnom était Buzz, donc il a décidé de rendre son surnom officiel dans les années 80. Incroyable. Savais-tu que le dictionnaire a été banni dans certaines écoles dans le sud de la Californie? C'est vrai, c'est à cause de plaintes de parents parce que leurs enfants allaient trouver les définitions de mots comme ou d'expressions comme oral sex dans le dictionnaire. Non, mais sérieusement, ils ont banni les dictionnaires. Sérieusement. Faut pas penser vraiment. Du tout. Non, c'est ça, là. Faut pas. C'est faut avoir du temps à perdre. Faut pas avoir tant de oral sex que ça. Man. On parle d'un expert ici, là. Je sais pas. Quand tu claques des doigts, quand tu fais ça avec ton doigt, je sais pas si on... Ouais. On l'entend. Le son est créé par ton majeur qui frappe la paume de ta main, non pas par le contact entre tes deux doigts. C'est pour ça qu'il y en a qui le font avec d'autres doigts, tu sais. Ouais. En tout cas. Mais tu le savais pas. Mais ça aurait pu être le son entre des deux doigts, mais non, c'est ton... Ben, OK. Ouais. Donc c'est bon, hein? Bon, j'essaye de t'apprendre des choses, mais t'es tout déjà. Non, pas tout. Savais-tu que les premières voitures n'avaient pas de volant? Ça, tu savais de ça? Non. Non, bon. Les en ligne droite? Non, il y avait un genre de bâton barre gouvernail. Ah. Ce qu'il appelle un tiller en anglais. Par contre, en 1984, Alfred Vacheron a compétitionné dans une course Paris-Rouen. Donc, il a conduit une voiture qu'il avait customisée, on pourrait dire, personnalisée, pimpée. Pimpé. Avec un volant, et on croit que c'est le premier volant à avoir été utilisé. La course, c'était quoi? C'était Paris-Rouen-Noranda? C'est ça, en 1984. Tout à fait. Rouen-Noranda. Pas en 1984, 1884. Qu'est-ce que j'ai dit? 1984. Mais t'as sûrement raison, ça doit être 1894 ou 1884, en effet. Parce que je suis né en 84. Ouais, c'est ça. Ma je pense que c'était pas nouveau. Elle avait pas un bâton pour conduire. Bon, mais merci Internet de faire dire des choses drôles. Non, mais ça doit être 1894. Non, mais je pense pas, parce que Ford a été inventé en 1920. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun espèce de sens. Tout à fait. C'est ridicule. C'est peut-être pas vrai. C'est complètement faux. C'était peut-être pas un fait, celui-là. Outrage. Mais retenez-le pas, celui-là. Ça va être bien correct, je pense. J'essaie de regarder, parce qu'il y a tout le temps des sources sur l'article que je cherche. Puis, en tout cas, je vérifie. Celui-là, il n'y en a pas. Je vérifie. En tout cas, je vérifierai plus tard. Tiens. Allons-y avec un autre fait. Bon, les dents de sagesse. Savais-tu que les dents de sagesse, un peu comme, comment t'appelles ça, l'appendice? Ouais. L'appendice. C'est ce qu'on appelle des choses vestigiales. C'est vestigiaux. Ce qui veut dire qu'ils ont perdu leur raison d'être avec le temps, avec l'évolution et tout ça, par rapport à nos ancêtres. Ça dit que il y a des gènes qui déterminent si on va avoir des dents de sagesse dans notre bouche. D'accord? Donc, il y a des populations, par exemple, au Mexique. Qui en ont tout simplement pas. C'est ça. C'est exactement ça. Dans certaines populations, c'est très, très rare ou non existant. Ouais. Mais c'est dans nos gènes et c'est héréditaire là, aussi. Là, genre, okay. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Ça dit que la fréquence ça parle de agnésis en anglais, donc c'est ne pas développer quelque chose. Donc la fréquence de ça en Tasmanie est de presque 0%, alors que parmi la population mexicaine, c'est de presque 100%, donc le contraire. En tout cas, bref, c'est cool de savoir qu'il y a des populations qui en ont juste pas. Ouais. De ouais. Parce que Dieu sait que ça fait mal, c'est faire enlever. Oui. Est-ce que t'es encore? Non. Non? Je crois pas. Je te crois pas. Je m'en suis fait enlever plein, mais je pense que c'était peut-être pas toutes des dents de sagesse. OK. Quatre. En même temps. Quatre en même temps, ça se peut. Mmh. Ça se peut. On a deux en bas, deux en haut. Donc. Et voilà. Bon, ça arrête de sens, ça. Ouais, ouais, ouais. Et Dieu sait que ce n'est pas plaisant. Non. Continuons avec des faits toujours super intéressants. La vie moyenne d'un dollar américain est de 22 mois. Donc, évidemment, comme on c'est pourrait... C'est pas tant que ça. Non. Non. Et plus les billets sont gros en dénomination, plus ils durent longtemps, bon, évidemment. Ouais. Donc, 1$ 22 mois, 5$ 16 mois, 10$ 18 mois, 20$ 24 mois, donc quoi, 2 ans, 50$ 55 mois et 100$ 89 mois. C'est quand même long, 89 mois. Mais ça ne doit pas circuler tant que ça. Hein. Non, c'est ça exactement. C'est plus rare. Et voilà. Savais-tu que Big Ben, c'est pas le nom de la tour, c'est le nom de la cloche à l'intérieur de la tour, Big Ben. Non, oh, non, ah, ça ne sera pas. Savais-tu que Tweety Bird, l'oiseau? Tweety, le petit oiseau jaune. C'est ça. Tu dirais que c'est quel sexe? Vois-tu, je me suis jamais posé la question. Je dirais que c'est une femelle. Non, c'est un mâle. Ah. Ouais. Ouais, c'était du 50%. C'était un peu ça. Il hein? Y a 84 personnes aux États-Unis qui s'appellent LOL. Non. LOL. Ben oui, avec un L majuscule au début. Hein, parce que non, c'est un nom, non, non. Ouais. LOL. 84. Oh. Dur à croire. Hein? Yeah, de la misère avec ça. Savais-tu que Princesse Jasmine dans Aladdin, son nom original, c'était Princesse Badroul Badour. Badroul Badour. Donc, l'histoire originale d'Aladdin est dans Arabian Nights, une collection d'histoires du Moyen-Orient et du sud de l'Asie, qui compilait plusieurs, qui a été compilée pendant, pendant une période qui s'appelle l'Islamic Golden Age. La princesse de l'histoire s'appelait Badroul Badour, et on peut voir donc pourquoi Disney a changé son nom, dit l'article. Non seulement ça, mais l'histoire complète d'Aladdin se déroulait en Chine à l'origine. En yep. Chine. Ouais. Et on va terminer avec deux petites affaires bien, bien rapides. Savais-tu que la mélodie de l'hymne national des États-Unis vient d'une chanson britannique, une British Drinking Song, donc une chanson à boire. Drinking. Ah ouais. Ben oui. La chanson originale s'appelait To Anacreon in Heaven. C'était la chanson officielle de la British Anacreontic Society, un gentleman's club populaire. C'était nommé d'après Anacreon, un poète grec qui était reconnu parce qu'il écrivait des chansons sur le vin et sur les femmes. Des hommes. Des femmes et le bien de Dieu. J'adore quand il chante. Thank you. Ils ont combiné le poème de Francis Scott Key, Defense of Fort McHenry, avec la mélodie de cette chanson-là pour former ce qu'on appelle maintenant le Star Spangled Banner. Et on a justement un extrait de cette chanson-là à vous faire entendre, The Anacreontic Song, tout de suite à l'Assemblage Rocky. On connaît bien la mélodie, là. Oh, ouais, tout à fait. Puis on dirait que c'est toi en arrière qui dit Thank you. Puis tout le monde boit. C'est le moment où tout le monde boit. Ça va être disponible sur Assemblage Rocky. Tout à fait, bien sûr, pour voir la vidéo des gens en train de boire. Et on finit avec mon fait préféré de la journée, je trouve. C'est le plus long enregistrement non musique classique là, qui dure plus de 5 ans. Eh? Oui, c'est Like a Wall in Which an Insect Lives and Gnaws par Bull of Heaven, qui dure 50 000 heures, on peut arrondir ça à 5,7 ans. On peut aussi écouter une pièce qui a 1000 ans, donc qui va avoir 1000 ans à la fin, qui s'appelle Long Player, c'est ça qu'on va entendre à la fin de la chronique. Elle a commencé à jouer à minuit le 31 décembre 1999 et ne finira pas de jouer avant 1000 ans plus tard, soit juste avant l'an 3000. Mais c'est pas en répétition, là. C'est vraiment une chanson. C'est ça. Donc là, dans le fond, maintenant, t'es en retard de 10 ans, genre. Non, mais c'est ça. Si t'as raté le début... Mais tu vas en fait, y a personne qui peut l'écouter au complet. Ben non, c'est impossible. Ça. Mais qui fait ça? Qui fait la chanson? Moi, j'imagine que c'est des loops puis des affaires électroniques qui se répètent avec un certain hasard. J'imagine qu'il y a un processus mathématique qui doit faire que c'est au hasard. Ouais. Mais tu vas voir que tu manques pas grand-chose, tu sais. On va la partir en cours de route, là. C'est ce qu'il joue en ce moment, là, ça. OK. Long Player. Et ça joue? Ça joue, là. Non, mais ça joue où, mettons? Sur Internet. Oui, tout à fait. Donc, mais ça joue-tu dans un lieu physique? Oh, il y avait une variante ici, oh, hein, ouais. quand même. Ben, il y a toute une historique là-dessus. Ça nous dit, il y a plein de détails sur le site longplayer.org. Ça dit que ça va jouer sans répétition jusqu'au dernier moment de 2999, à quel moment ça va compléter son cycle et va recommencer depuis le début. Ça a été conçu et composé par Jem Finer. Ça a été produit c'est maintenant sous les soins de Long Player Trust. Ça peut être entendu au comment t'appelles ça, un lighthouse? C'est pour les bateaux, là. Un phare, exactement. De Trinity Buoy Wharf à Londres, où ça joue depuis le début. Ça peut aussi être entendu à plusieurs autres endroits autour du monde. Il y a comme des postes d'écoute qui sont installés un petit peu partout dans le monde. Et globalement, via un stream sur longplayer.org en cliquant sur le bouton « Listen ». Ça a été composé pour ce qu'on appelle des « singing bowls », qui est un genre de type de cloche debout qui peut être joué par des humains et par des machines. Ah, d'accord. Donc, c'est encore mieux que je pensais. C'est des cloches. C'est des cloches. Ben, c'est génial. Tant mieux. Leur résonance peut être reproduite sous forme d'enregistrement. Et c'est fait pour s'adapter à des changements qui ne sont pas encore prévus en termes de technologie et d'environnement sociaux. Et pour endurer en tant qu'institution qui s'entretient elle-même. Genre que c'est fait pour que tu n'aies pas à t'en occuper. Ouais, comme ouais, un monument, une institution. Ouais. Je comprends. Une panne de courant, par exemple, n'importe quoi, on perd le stream, on perd le contact, ça peut arriver. Mais la chanson, elle, va continuer, par contre. La chanson va continuer, mais ouais. C'est sûr que si un arbre tombe dans la forêt, est-ce qu'il tombe vraiment, est-ce qu'on l'entend dans le slogan proverbe. Ah, c'est vraiment particulier. Vraiment particulier. C'est pas pire. Ouais, j'aime l'idée. Ouais. Puis, le son, c'est pas pire. On dirait que c'est un peu redondant, 1000 ans de ça. Ouais. C'est long. Et sans se répéter, je veux dire, bon, ils disent que ça se répète pas, mais ça reste des cloches qui sont frappées à différents endroits sur la même cloche. Ouais, ça ressemble pas mal. C'est ça, exactement. Mais tu sais, quand tu prends, mettons, la chanson au complet, c'est pas au même texte, ça se répète. J'imagine, je sais pas. Fort probablement. Ouais. Oh boy. Hey, merci, Mathieu. Ben, ça me fait plaisir. Et l'année pour ceux qui étaient là tantôt quand on parlait de volant et de voiture. Là. L'année, c'était 1893. Le français Alfred de Vacheron qui a installé un volant sur sa voiture et qui s'est devenu officiellement le premier... 1893. Ça, c'est pas mal mieux que 1984. Hein? Je pense qu'il y a un petit peu de dyslexie sur l'Internet. Un peu plus crédible. Voilà, pour c'est un fait pour aujourd'hui. Il y en aura d'autres faits des plus divertissants et des plus nécessaires à votre apprentissage demain. Demain. Tomorrow. Tomorrow morning. Tu le laisses avec les cloches. Ouais, ça va me rendre fou, man. Ouais, ben, je veux te rendre fou, c'est mon but dans la vie. Hey, merci, Mathieu. Ça me fait plaisir. 7h57. Je vous rappelle qu'Assemblage Requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants. Dans 8 heures, dans quelques minutes, en fait, on va rejoindre Joanne Blais, la table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie. Oui, et on a aussi. On a aussi Alex Delage tantôt avec sa chronique Sortie des Boulamites, mais pour l'instant, on se quitte avec l'Info Campus. À tantôt. À tantôt. Ça pique, pique, pique, la barricette, ça gratte, gratte, gratte, gratte. C'est fou ça. 89.1. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis, votre émission matinale en pièces détachées. On est à quelques secondes, minutes de l'entrevue avec Joanne Blais, qui est de la Marche mondiale des femmes. On lui parle tout à l'heure, mais pour l'instant, voici Mimi Van Der Loo. Et la pièce 4 pattes au 89.1 FM, c'est fou. La radio, une paire de jeans à des sous-vêtements dentaires, comme si notre linge s'était enlevé tout seul. Face à face, tout nu dans le salon, à quatre pattes, baby, on ouvre la saison. Et 4 pattes au 89 FM, cet assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. Et Mathieu Plante, mais oui, faut pas l'oublier. Et Mathieu Plante. Cette belle petite bête-là. Ah, j'ai pas de bruit à faire d'animaux. Retiens-toi. Hey Mathieu, on reçoit Joanne Blais, coordonnatrice de la table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie. Madame Blais, bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, Donc, c'est ça, vous êtes coordonnatrice de la table de concertation des femmes. Donc, on va y aller un peu global au début. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi la table de concertation? Bien, en fait, la table de concertation, c'est un regroupement régional féministe qui couvre tout le territoire de la Mauricie. On rassemble, en fait, les groupes et les femmes qui souhaitent travailler à améliorer les conditions de vie des femmes de la région. On a différents dossiers. On fait de la lutte à la pauvreté et à la violence, santé des femmes, la place des femmes dans le développement de la région, les femmes en entrepreneuriat. Alors, on en bel et large, là. OK. OK, merveilleux. Et puis, c'est ça, votre mission, c'est vraiment, c'est ça, c'est axé vraiment sur les femmes pour développer... Ben, améliorer les conditions de vie des femmes de la région. Parce qu'en ce moment, on sait que même si on est encore en deux, même si on est en 2010, encore en 2010 aussi, hein, l'année achève, on sait que si on regarde le revenu annuel moyen des femmes, le revenu annuel moyen des femmes de la région se situe encore à environ 65% de celui des hommes, par exemple. Oh, ouais, tant que ça? Oui. Ça, les gens pensent que ça a avancé pas mal. Ben, ça a avancé. Oui, ça a avancé. Oui. Ben, les gens pensent que vous êtes rendu complètement au même niveau, puis oui. c'est se tromper. C'est ça, c'est là qu'on se trompe, parce que dans les droits au Québec, les hommes et les femmes sont vraiment égaux. Effectivement, là, on a fait des grands gains là, depuis le début du 19e siècle. Le droit de vote, etc. Oui, le droit de vote. L'armée, oui. Oui, admettons. Mais non, que les femmes puissent avoir accès à l'éducation, aller à l'école, travailler, être sur le marché du travail au même titre que les hommes. Mais malgré ça, l'écart est toujours là. Il est persistant parce qu'il y a encore une discrimination systémique qui existe dans notre société qui, avec le temps, tranquillement, tend à s'estomper. Oui, oui, oui. Mais ça prend du travail. Il faut pas lâcher prise. Et comme je dis, malgré qu'on avance, ben, les femmes sont encore à 65% du revenu des hommes. Les femmes travaillent encore un peu trop à temps partiel, plus que les hommes. Des fois, c'est des choix, puis des fois, c'est des non-choix. C'est ça, exactement. Maintenant, on pourrait dire que la différence est plus subtile, dans le sens que, si on regarde globalement, moi, j'étais peut-être une personne qui considérait vraiment que on était rendu égaux, mais ce n'est pas le cas. Donc, non. Vois-tu, c'est des chiffres que je ne savais pas. Oui. Au niveau du salaire, et c'est juste un exemple. Oui, ça, c'est au niveau de la pauvreté, par exemple. Puis on sait, au niveau de la violence, encore aujourd'hui, malgré tous les efforts qui sont faits, les femmes subissent encore trop de violences conjugales, trop d'agressions sexuelles. Et ça, c'est encore quelque chose que vivent majoritairement les femmes. On sait que ça arrive aux hommes. Oui, c'est mais c'est encore faut que ça arrive plus aux hommes. Non, il faudrait que ça arrive moins aux femmes, puis que l'écart s'estompe vers le bas. Là, on pourrait niveler vers le bas puis on serait bien contente. Ça, est-ce que ça a diminué un peu? Est-ce que ça tend à s'améliorer ou c'est vraiment quelque chose qui est vraiment pas gagné? Là? Non, pour l'instant, ça s'améliore pas vraiment. Non. C'est quelque chose qui est persistant. C'est sûr que la société dans laquelle on vit en ce moment est pas pour aider dans le sens que les gens, on est comme dans une société de production, consommation, production, tout va vite. Individualiste aussi. Oui, c'est ça. Puis les gens deviennent un peu plus stressés, angoissés, fatigués, impatients. Bon, fait qu'on sait que le résultat de ça, des fois, c'est, ça s'exprime par la violence. Ouais. Il y a aussi le fait que le corps des femmes est encore perçu comme un objet sexuel, malheureusement. Une valeur marchande. Excusez, j'avais un petit chat dans la gorge. Ça aussi, ben, ça fait que quand on parle d'agression sexuelle, ben, les femmes sont encore trop souvent la proie de prédateurs. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler encore aujourd'hui. Là, toute la question de l'image corporelle, les stéréotypes sexuels, que la femme soit perçue autrement que comme un objet sexuel pour assouvir besoins. Vous, votre mission, c'est d'amener ça, de jouer en fait sur l'image, de travailler avec eux autres. Oui. Comment vous faites ça? Est-ce que vous allez dans les écoles? Est-ce que vous visez vraiment les jeunes filles, dans le sens où sont plus jeunes? Ben, en fait, nous, on est un regroupement régional. On travaille avec les groupes de femmes, les groupes communautaires qui sont sur le terrain, les groupes de base, qu'on appelle. Okay. Elles sont, par exemple, les centres de femmes, les CALAX, les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences. Ça, c'est au niveau, mettons, plus des besoins des femmes, le plus terrain, les AFEAS sont membres, le comité logement de Trois-Rivières qui travaille plus au niveau de la pauvreté, du logement. Puis, quand vous travaillez avec ces organismes-là, c'est quoi l'aide que vous apportez? C'est au niveau financier ou c'est au niveau ressources humaines? Ben nous, en fait, on les rassemble, on les concerte, on voit ensemble quels sont les intérêts communs, les dossiers communs, puis on essaie de faire avancer des projets communs qui ont plus une base régionale. Et on est aussi un groupe de défense de droits collectifs des femmes. Donc, nous, on a un pouvoir politique. Vous allez au front, c'est ça? Oui, c'est ça, pour faire changer des lois, des règlements, amener des revendications plus loin, faire dépasser des limites qui sont établies, faire changer les cadres pour la région quand on parle du développement du territoire pour que les femmes aient accès à des formations qualifiantes, accès à des emplois non trad. Bon, on ouvre des barrières, des portes, c'est et les membres sur le terrain avec les femmes travaillent avec elles plus au niveau de l'estime de soi, reprendre confiance en elles. C'est ça, parce que ces organismes-là, eux autres sont vraiment sur le terrain et ils n'ont pas nécessairement le temps et l'énergie et même pas la volonté, mais les aptitudes à aller représenter au niveau, que ce soit des gouvernements ou de la population. Ben, en fait, elles seraient à mesure de le faire, mais je dirais que c'est vraiment une question de temps parce que ces femmes-là sont sur le terrain, ils éteignent des feux. C'est des services de première ligne qu'on appelle et ils sont là en complémentarité à notre système de santé. Donc, il y a beaucoup de femmes qui sont référées par les C3S, les instances de santé qui, à Mané, ils ont besoin de soutien pour travailler avec certaines femmes. Puis, il y a des femmes qui cognent en premier à ces portes-là aussi. T'sais, on a des... OK, merveilleux. Et puis, est-ce que vous voulez nous expliquer en fait ce qui s'en vient là, pour les prochains jours? Je pense qu'il y en a, il y a des activités un peu qui ont été passées. Oui, bien en fait, là, il y a un dossier qui nous tient particulièrement à cœur, qui est la lutte à la pauvreté et à la violence faite aux femmes. Et en ce moment, on a joint un mouvement mondial depuis l'an 2000, qui est le mouvement des femmes. La marche mondiale des femmes. Et ça a été initié au Québec à l'an 2000. C'est un mouvement qui a pris forme et qui est toujours vivant depuis 10 ans, qui rassemble à peu près 60 pays dans le monde. Okay. Ça a été lancé en mars dernier et en ce moment, en octobre, c'est au Québec que ça se passe. Et il y a eu des activités hier, il y en a aujourd'hui, un peu partout, Louisville, Shawinigan, Sainte-Thècle, La Tuque. Le calendrier des activités est sur notre site web. Demain, il y a une pause. Et vendredi, il y a l'activité régionale, le grand rassemblement régional de la Marche mondiale des femmes pour la Mauricie. Ça se passe à Trois-Rivières. À 15h, on se rassemble au Parc Champlain. À 16h, il y a la marche. De 16h à 17h, il y a une marche au centre-ville avec 5 endroits stratégiques qu'on fait des arrêts. Et c'est où? Est-ce que vous voulez... les endroits où est-ce qu'on arrête, c'est des surprises, effectivement. Okay. Mais ça a un lien avec les 5 champs d'action qu'on porte. Donc, au Québec, les femmes qui font partie de la Marche mondiale des femmes portent 5 champs d'action avec des revendications plus précises pour interpeller le gouvernement pour faire avancer les conditions de vie des femmes. Oui, les dossiers, c'est ça. OK, merveilleux. Et puis, petite question, est-ce que les hommes ont le droit de participer? Effectivement, oui, on invite toute la population, hommes, femmes, jeunes, vieux, enfants, à venir marcher avec nous le 15 octobre, vendredi. Il va faire beau, il annonce la pluie, là, mais un dégagement en après-midi. Juste pour vous. Juste pour nous, il va faire beau et ça se termine cette journée-là, on marche et après on fait la fête, on fête les avancées des femmes, on fête notre journée, notre réalisation de la journée. Ça se passe au Musée de la culture populaire à partir de 18h30, il y a un spectacle qui est mis en scène par Patricia Powers, avec une quinzaine d'artistes de la région, dont Fabiola Toupin, qui est une de nos présidentes d'honneur, tout comme Patricia Powers, parce que l'autre particularité de la région, c'est qu'on a 5 présidentes d'honneur, des femmes de la région, des personnalités publiques qui soutiennent notre mouvement et qui portent chacune un champ d'action. C'est ça, exactement. Oui, donc je disais Patricia Powers, Fabiola Toupin, il y a aussi Nicole Obomsawin, qui est une Abénakise, qui porte le champ d'action avec les femmes autochtones. On a aussi Jacinthe Veillette, qui est une jeune femme qui milite depuis longtemps pour les troubles alimentaires, l'image corporelle, qui a même été déposée jusqu'à l'Assemblée nationale une pétition qu'elle avait travaillée. Et elle apporte toute la question de l'image corporelle. C'est ça, troubles alimentaires, l'image corporelle, ça pourrait être quoi, l'anorexie? Les troubles alimentaires, on parle d'anorexie, de boulimie, et qui sont souvent associés à la question de l'image. La préoccupation très grande chez les jeunes filles, de leur image corporelle. Et il y a un lien qui se fait assez souvent avec toute la question des publicités qui sont sexistes ou est-ce qu'ils mettent toujours à valeur le même image, le même modèle de femme. Là, les autocollants sales pubs sexistes qu'on voit partout au centre-ville. Oui, puis sur le campus, parce que c'est une initiative des filles du campus. Mm-hmm. Et c'est une belle initiative. Oui. On les voit souvent. suis. Oui, oui, oui. Oui, fait que c'est ça. Puis là, il me restait juste un champ d'action pour vous parler, puis d'une présidente d'honneur qui est Louise-Hélène Hood, qui est une femme, une militante de longue date du mouvement des femmes, qui a été fondatrice du Centre de femmes de Shawinigan, qui porte la question de l'autonomie économique des femmes. Donc, on a l'autonomie économique des femmes, l'accès aux biens communs et aux ressources, parce qu'on sait qu'en ce moment, la tendance à privatiser, à tarifier est très, très grande quand on parle du système de santé et d'éducation. Il y a aussi, comme je disais, l'image corporelle, d'arrêter les publicités sexistes et aussi de réintroduire les cours d'éducation sexuelle dans les écoles, les droits des femmes autochtones, des peuples autochtones et aussi la question de la paix et de la démilitarisation. Et ça, ça a fait beaucoup jaser là, dernièrement, là, cette question-là. Là. Et, j'ai une petite interrogation. Les cours d'éducation sexuelle à l'école, c'est terminé? Ben oui, il n'y en a plus dans les écoles. Ah, ouais. Oui, oui. Alors, on souhaite que... Mais c'est bizarre, ça. Oui, parce que c'était quelque chose qui était à notre sens, à mes yeux aussi, là, quelque chose d'essentiel. De pour plus que... en plus. Oui, puis en fait, ça devrait l'être de plus en plus. C'est ça, parce que les gens, c'est de moins en moins. Oui. Mais pourquoi ils l'ont enlevé? Ben en fait, c'est une question de restructurer, de réaménager les horaires, de mettre plus d'heures de cours de ci, plus de ça, puis ben à la manée, il faut qu'ils enlèvent d'un autre, puis les cours d'éducation à la sexualité ont été rayés finalement des horaires de classe des jeunes dans les écoles secondaires. C'est bizarre, c'est pas mal le seul endroit où on pouvait être renseigné. Oui, d'avoir les notions de base. Ouais, c'est ça. Parce que nos parents, c'est pas toujours évident non plus là tout le temps que ce soit peut-être eux autres ont de la difficulté à en parler ou sinon nous on n'est pas à l'aise d'en parler avec les parents. Ouais, non, c'est ça. Oui, ça fait combien de temps, sais-tu, que c'est... Non, ça faudrait... Ben, en fait, ça a-tu un lien avec le fait que c'est de plus en plus jeune? Oui, ben en fait, j'ai pas mon cahier de revendication devant les yeux parce que je suis sûre qu'ils doivent en parler depuis quand que c'est plus dans les écoles. Puis il y a sûrement des corollaires à faire avec des événements qu'on peut entendre parler qui sont malheureux, moi, je trouve, là, avec ce qui se passe dans certaines écoles secondaires. Entre autres, on a souvent entendu parler des bracelets de couleur là, qui veut dire que tu as passé à tel acte puis telle étape. Bon, fait que... Ah, ça, c'est ça. Ça arrête plus, là. Ça va être de mal en pis. Oui, ben en tout cas, pour la question de la sexualité, l'image corporelle, les publicités sexistes, on est vraiment comme dans un backslash, qu'on dirait. Là. Il y a comme quelque chose qui est en train de revenir puis qui a un impact aussi important sur, je dirais, les hommes, les jeunes hommes aussi. Ben oui, tout à fait. Quand tu regardes les vidéoclips, il y a souvent une image dégradante pour les femmes, mais l'homme a aussi une image particulière où est-ce qu'on le voit comme un genre de d'homme au-dessus toutes avec un arène de femmes. Ouais. On voit souvent cette image-là. Ouais. Hein, c'est la survirilité. Oui, c'est ça. Ouais. Ou ben non, la surféminisation. Hein. Ouais, il y a comme les gars qui n'ont plus de poils, qui sont hyper féminisés. Oui. Ou le gars hyper viril au-dessus de tout, là, fort, qui n'a rien qui l'atteint. Fait que c'est pas mieux. C'est ça. Puis, coupons donc dans l'éducation, pourquoi pas? C'est complètement stupide. En Tout cas, c'est pour ça qu'on va marcher. Je pense que ça peut interpeller toute la population, les hommes, les femmes, peu importe notre catégorie d'âge, parce que ce qu'on souhaite, c'est améliorer les conditions de vie des femmes et par conséquent aussi l'ensemble de la population. Puis quand on parle d'autonomie économique, on parle de continuer à améliorer, à augmenter le salaire minimum pour que celui-ci soit... Pour que quand tu travailles 40 heures semaine, que ton revenu annuel moyen soit au moins au niveau du seuil de pauvreté. C'est ça. Parce mais que là, quand aussi. Tu travailles à temps plein, au salaire minimum, ton salaire est en dessous. Là. Ben oui. C'est pas logique, ben. Mais non. Fait que ça... Tout augmente, là. Oui. Tout, là, donc... Puis aussi, au niveau de l'aide sociale, on veut faire abolir les catégories de l'aide sociale. Je sais pas si vous saviez, mais il y a des aptes au travail et des inaptes, hein, quand on est sur l'aide sociale, à la sécurité du revenu. Et malheureusement, il y a beaucoup de préjugés qui font que le monde qui pensent qu'ils sont catalogués aptes au travail, que c'est des gens paresseux, lâches, qui ne veulent pas travailler, ils n'ont rien qu'à aller travailler. Bon, tu entends souvent ces choses-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, les gens qui sont déclarés aptes au travail, c'est une catégorie de personnes qui sont souvent rendues à 55-60 ans parce que tu es à l'aide sociale jusqu'à 65 ans. Là, quand tu es sur l'aide sociale, puis mettons que tu perds ton emploi, tu es au chômage, là, ben, tu ne retrouves pas d'emploi, là, tu te retrouves à l'aide sociale, tu as 55-60 ans, là, tu es encore apte apte au travail, mais... T'as beaucoup de misère à te replacer. Ben oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis c'est beaucoup des femmes qui ont travaillé dans le service, qui ont été serveuses, coiffeuses, esthéticiennes. Couturières aussi, comme oui. le Fruit of the Loom dans le temps. Oui, oui, oui. Ça, oui. ça crée beaucoup de perte d'emploi au niveau oui, effectivement. Des femmes. Oui. Beaucoup de misère à se replacer dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'entreprises de textile. Non, là, qui... c'est ça. Ils ont assez d'en reçu dans d'autres domaines où est-ce qu'ils pouvaient faire un évident, transfert ça. De compétences, mais ils n'ont pas tout replacé. Mmh. Fait que ces femmes-là qui ont un haut niveau de scolarité, une expérience de travail limitée dans le domaine des services, souvent, ben rendues à 55-60 ans, là, essayer de trouver un emploi en tant que serveuse, là, je sais non, pas. Non, mais, c'est pas évident. Hein, là, puis c'est... en plus, il y a la santé, hein, rendue à cet âge-là. Puis reste qu'on est à Trois-Rivières aussi et les emplois, c'est quelque chose oui, qui c'est, est, que c'est plutôt rare. Y a, puis ben en fait, dans différents domaines, c'est sûr que ça peut se faire plus difficile de trouver un emploi, de te retrouver un emploi. Puis c'est plate à dire, mais dans les cafés et les bars, ça revient aussi à l'image de la fille. Oui, l'image de la jeune, en c'est forme, ça, avec belle. Des atouts, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, puis on entend même des histoires de certains restaurateurs de la région qui choisissent vraiment c'est les beau, serveuses hein? en fonction de leur physionomie. Ben oui. Fait que ça questionne. est-ce que c'est ça, vous travaillez aussi avec les gens d'affaires aussi, non? Ben, en fait, oui, on a des liens avec les gens d'affaires. On est en partenariat avec beaucoup de gens à toutes sortes de niveaux, au niveau du développement du territoire. Quand on parle du développement régional, on est en lien avec la Conférence régionale des élus qui rassemble l'ensemble des partenaires des régions pour le développement du territoire, les élus municipaux. On est en lien avec la Jeune Chambre de commerce, avec le Forum Jeunesse Mauricie qui travaille au développement de la région avec les jeunes parce qu'on a une préoccupation pour les jeunes femmes de la région. Fait qu'on est en lien avec les gens d'affaires de différentes façons, effectivement. Et on est en lien avec le... En fait, on est en lien avec le socio-économique pour tailler une place, une meilleure place pour les femmes dans notre région. Mmh. Oui. Rappelons la marche qui a lieu vendredi, donc c'est le 15 octobre, oui. c'est juste là, le vendredi. Oui, c'est vendredi à 15h au Parc Champlain et la marche part à 16h. Donc, vous avez entre 15h et 16h pour vous rendre au Parc Champlain pour partir avec nous pour la belle marche qui va être animée, percussions. Par vous? Non, c'est pas moi qui va faire les percussions, mais en fait, c'est une de vos collègues du campus qui va être là, qui va être notre crieuse qu'on appelle à l'avant de la choisi, marche. Je pense, oui, oui elle porte fièrement les revendications. C'est... Puis en fait, on va avoir un slam aussi qui va être aussi produit par Marie-André. Pendant notre période de rassemblement de 3h, entre 15h et 16h au Parc Champlain, il va y avoir de l'animation aussi. Il va y avoir notre slam pour les femmes qu'on a fait en conférence de presse la semaine passée. On va le refaire. Et il y a de l'animation, comme je disais, avec des percussions. Non, c'est les tam-tams du Saint-Maurice qui vont être avec nous, qui vont mettre du rythme à notre marche. Hey, merveilleux. Merci beaucoup, Mme Blais. Ben, ça me fait plaisir. Et sachez que la porte du studio est toujours débarrée pour vous. Oui, ben merci. Wow! C'est comme la carte de d'Annie Turcotte. Bon, la carte chouchou. La carte chouchou. On n'a pas de carte ici. Moins le budget. Oui, c'est ça. Oh, c'est pas grave. On est fiers de notre radio campus. Oui, c'est bien. Et puis, ramenez-nous l'éducation sexuelle dans les écoles. Oui, oui, effectivement. Je pense que ça, en tout cas, moi, personnellement, je pense de quoi, là, je pensais. Parce que moi, je l'ai eu, là, donc je pensais que c'était encore comme ça. Là. Non. Ça en a l'air qu'un autre. Non, il y a des changements qu'on ne souhaite pas toujours qui arrivent. Mais puis qu'on ne sait ça. Pas toujours non plus. Non, on ne le sait pas. Puis il y a des acquis qui sont vraiment fragiles. Ça me fait penser en lien avec la violence, l'image corporelle, le corps des femmes. La question du droit à l'avortement est fortement menacée depuis un an avec le gouvernement Harper, le gouvernement conservateur au niveau fédéral. Fait que ça, il faut surveiller ça de près aussi. Parce que ça touche beaucoup les jeunes femmes d'ici et dans tout le reste du Canada. Ça, des fois, on a l'impression qu'on recule. Oui. Mais bon. On fait des petits pas par en arrière, mais je pense que c'est pour mieux avancer. Regardez-nous bien aller. Parfait. Parce qu'en 2010, ça va marcher. Ça va marcher. Excellent. Merci beaucoup, Mme Blais. Merci. Merci. Oui, très gentil. Merci. Vous êtes toujours Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées. On s'écoute un petit peu de Tricot Machine avec la belle histoire d'amour, mais en même temps, un petit peu tragique d'ambulance. Jeudi 4h30, le klaxon perd patience, autoroute des caries, y'a plus personne qui avance, les sirènes se font entendre par intermittence, entre les tôles brûlantes,

Après ça, tu vas voir ça, il va y avoir comme le 16 octobre, le 17, le 18, parce qu'il y a le 19, il y a le 20, il y a le 21. 31 octobre, Halloween. C'est vrai, on le rappelle. Après ça, pour ceux qui savent pas. Mois de novembre, qu'est-ce qu'on sait? On va être déjà rendu au mois de décembre, et après ça, Noël, jour de l'an. Congé. Et on recommence 2011, c'est la même chose. Puis on va faire le même décompte super long à chaque fois qu'on va se voir. Super long. Ah, il reste rien que deux jours à la semaine. Ah, non, non. Mais c'est parce que, mais non, oui, oui et non, oui. Dans le sens où j'aime ça quand même me lever tard. T'sais. C'est ça, c'est dur. Ouais, exactement. On vient d'entendre, qu'est-ce qu'on a entendu? Jet, très bonne pièce, la-di-da, la-di-da, la-di-da, la-di-da. La sixième de l'album Shaka Rock. Fait que si vous le trouvez à quelque part, vous savez que c'est la sixième pièce. Oui, la sixième c'est pièce. Lui. Souvent, Mathieu, t'as-tu remarqué ça dans les albums, en fait? Là. Ouais, les bonnes chansons, c'est au niveau de la troisième, quatrième, cinquième. Des fois six. Sixième sur cet album-là, mais oui. T'as pas remarqué là, après, ça? C'est la septième. Tu sais, comme Winter Glove, bon, c'est la troisième. Moi, je retiens souvent les numéros. Ouais, ben, je vois ça. T'as l'air d'un gars de chiffres, toi. T'as l'air d'un mathématicien. Ouais. Hey, t'as deux yeux? Ok, joke plate. Hey, wow, le temps est long là, dans ce bloc parlé-là, je trouve. Ben non, arrête donc. On va aller rejoindre quelqu'un d'intéressant. Qui? Alex Delage. Oh. On le retrouve d'habitude tous les lundis, aux deux semaines en fait. Pas tous les lundis, aux deux semaines. Oui. Ici à Assemblage Requis. Là, lundi, il n'y a pas d'émission, donc on l'a déplacé au mercredi. Mais c'est toujours la même chronique, sortie des boulamites. Cette semaine, au Boulamite, une tranche de vie. Je suis assis dans le salon chez nous cette semaine et puis j'ai des amis avec moi. On écoute la télé, il y a des clips à botch sur Random. Qui c'est qui sort pas de la TV? Weird Al Yankovic. Et là, je vois le néant dans les yeux du monde autour de moi. Personne ne connaît Weird Al Yankovic. Ben voyons donc, y es-tu si has-been que ça? Dans le fond, il a commencé sa carrière au début des années 80 en faisant des parodies de vidéoclips. Des parodies de pièces, et puis il roule depuis ce temps-là sur ça. Je vais vous faire écouter une vieille pièce, là, la pièce Eat It, qui est une parodie de Beat It de Michael Jackson. Il a sorti un vidéoclip avec cette pièce-là. Allez faire un tour, c'est quasiment un copier-coller du vidéoclip original, c'est très drôle. Et puis là, en réécoutant du Weird Al Yankovic, je suis tombé sur un de ses mix de polka qu'il fait avec plusieurs tunes qui ont du succès, et puis il mélange tout ça ensemble. Et puis dans une de ces pièces-là, il y a un One It Wonder, celui de Semisonic Closing Time en 98. C'est vraiment un One It Wonder pur. On n'a plus vraiment entendu parler du groupe après cette pièce-là. Ils ont sorti un album en 2003, mais depuis ce temps-là, le groupe existe toujours, mais ils n'ont rien fait. Fait qu'on va entendre ces deux vieilles boulamites-là à Assemblage Requis. Closing time, open all the doors and let you out into the world. Closing time, turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time, one last call for alcohol, so finish your whiskey or beer. Closing time, you don't have to go home, but you can't stay here. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. Take me home. You will be from closing time. This room won't be open till your brothers or your sisters come. So gather up your jackets, move it to the exits. I hope you have found a friend. Closing time, every new beginning comes from some other beginning's end. some other beginning's end. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Du Weird Al Yankovic sur les ondes de C'est fou. Je capote, j'adore ça, c'est fun. C'était la pièce Eat It, évidemment, de Weird Al. C'était précédé de Semisonic avec Closing Time dans le bloc Boulamite d'Alex Delage qu'on retrouve dans deux semaines. C'est tous les lundis. Ça va être les lundis, oui, oui. Tout à fait. À 8h. À 8h. Aux alentours de. On se laisse une petite marge de manœuvre. Oui, des oui. fois que. Hein? Faut prendre un light snack. Light snack. Petite collation de matin. Eat it. Donc, on remercie encore une fois Alex Delage. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées sur les ondes de C'est fou 89.1 FM avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. Get up, sortez du lit. Sortez du lit, bâtard. Sortez du lit, bâtard. Il nous reste environ 14 minutes à l'émission d'aujourd'hui. On va aller s'écouter un petit peu de francophone. On écoute La Pâte à Rose, voici Chocolove. Nuit tombe sommeil. Alors dors, dors, je suis là encore. Et mon rêve sera d'être là à l'aurore. Alors dors. Il ne faudrait pas que tu promettes l'impossible. En fermant les yeux, tu me rejettes, c'est terrible. Je sais ton cœur qui vacille. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Non, Non, j'ai expliqué à Mathieu durant la pièce, très bonne pièce, soit dit en passant. Oui, de Tokyo Police Club, Bambi. Bambi. Bambi, drôle de titre, mais bon. Oui, c'est ça, j'ai expliqué à Mathieu que j'ai vu un reportage à la télévision. Il parlait de Hitler, les nazis, ce truc-là. Toi, c'est puis, ton modèle, ton idole? Non, hey, arrête, c'est pas ça, radio, toujours. Mais non, c'est pas vrai, en plus. Mais non, je sais. Mais bon, merci Mathieu. Je sais plus quoi dire. Non, non, mais bon, on parlait de juifs d'oreilles collées. Oui, c'est ça, exactement. Pour différencier les juifs des pas-juifs, en fait, il regardait Hitler, souvent, il disait à son photographe de prendre des photos. Et puis, pour les lobes d'oreilles. Okay. Donc, les lobes d'oreilles, s'ils étaient collés, donc ils étaient juifs, et s'ils étaient décollés, donc. Le collé, on parle de s'il y a une peau qui traîne dans le coin de ton lobe quand tu te tires l'oreille, alors que François, si mettons, on le prend comme exemple, lui, son lobe est complètement indépendant de sa tête et tient juste après l'oreille, il n'est pas collé à la tête. Ouais, ouais, c'est donc, ça. Donc, il serait un juif. Non, non, non, c'est, pas non, juif. C'est toi non, qui serais juif. Ah, moi, je serais juif. Ah, oui. Oh, wow, oui. Wow, privilège. Non, non, mais c'est comme ça qui, je sais pas, qui fonctionnait dans le test. C'est bizarre. Tu penses que c'est dans les gènes, ça doit être génétique, tout ça, l'histoire des lobes d'oreilles. Ouais, sûrement. Eh bien, tu m'en diras, toi. Je t'en dirai, toi. Plus tôt dans l'émission, je t'avais promis que t'aurais le droit d'écouter Final Flash avec Welcome to the House on Fire. C'est ce qu'on fait à l'instant. Et puis après ça, on revient pour le message d'au revoir à notre fidèle public. Wow, Final Flash. C'est juste pour toi, François. Hey, ça met une bonne mort pour moi. We'll be right back. très bonne pièce. De quelle vache tu parlais? Qui c'est que tu traitais de vache? Personne. C'est quoi tu dis? Personne, non. J'ai tapé, j'ai dit très bonne pièce. Ouais, ok. Je voulais comme montrer mon engouement envers la pièce. Wow. Donc, je pense qu'il était d'aller va te coucher. Oui, c'est la fin de l'émission et c'est bien, tant mieux, je dirais. Donc, c'était Final Flash avec Welcome to the House on Fire. On se retrouve demain matin à 7h avec deux chroniqueurs. Simon Fadubé, François Landry. D'un bord, de l'autre. François-Olivier Marchais. Coin gauche, croix droite. D'un ring. On enlève nos vêtements et puis... Il y aura de la boîte. De la boîte. donc, studio demain. Soyez là demain matin, 7h. D'ici là, plein de bonnes choses. Tout à l'heure à 10h. Ce qui va nous suivre, ça va être Cool d'être ensemble, l'émission sur la périnatalité. Ça commence à 10h. Ensuite, oui. Suivi du Dîner de con avec Danny Janvier. Et Charles-André Lambert. Charles-André Lambert. Plus tard dans la journée, il y a des rediffusions du Voyage insolite, de la Spirale et d'une Pébèche en mission. Ça commence à 13h. En soirée, Volteface avec du hip-hop. Psy Théa avec de la musique trance à 22h. Et puis, votre journée est bookée, je dirais. Oui. Pas besoin de prendre de notes, nous autres, c'est sur le cif.ca que vous retrouvez la programmation. Très beau site internet, soit dit en passant. Ah, thank you. Bientôt, nouvelle version. Thank you, bientôt. Oui, on va l'annoncer aussi. Ça, on devrait aussi avoir l'application C'est fou sur le iPhone. Prochainement. J'ai pas de date, mais vous allez être les premiers à savoir si vous écoutez Assemblage Rock. Vous allez pouvoir écouter C'est fou sur votre iPhone, iPod Touch, iPad, peu importe ce que les Apple vont inventer. Ouais. Tous les i vont être remplis. Ouais. De C'est fou. Donc passez une belle journée et puis on se quitte avec les nouvelles de Radio-Canada dans quelques instants. Bye bye. Bye bye.